la prise maintenant. Tu vois bien maintenant que tu n'as plus trop le choix. À moins de te masquer les caisses. À 1h47 du matin. Allongé dans l'herbe. you go by. We'll be right back. contre les vents mauvais, mieux vaudrait s'organiser. C'est pas pour ça, mais que la puissance du propos en serait moins, non. C'est pas pour ça, non. Thank you.